Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International à Belle Église Kodesh. Cet enseignement donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons Lady Reverend Grace Irene. Enseigne-moi. Alléluia. C'est pas les jours où Mahomet fut né. C'est pas les jours où Mahatma Gandhi fut né. Alléluia. Amen. C'est le jour où notre Sauveur, le seul Sauveur du monde, a été né. Alléluia. Et nous sommes si bénis que ce matin, il a bien oint sa servante pour nous donner sa parole. Alléluia. Nous sommes vraiment bénis. Levez-vous, s'il vous plaît. Et nous allons accueillir sur cette estrade notre pasteur principal, Lady Reverend Simon. Come on! Sous votre acclamation! Alléluia! Shall we pray? Thank you, Jesus. Ce matin, vous allez ouvrir la bouche pour remercier Dieu pour le don d'amour qu'il t'a fait. Le fait d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, sur cette terre, pour vous et pour moi. Il mérite ce matin qu'on reconnaisse son amour. Il mérite ce matin nos remerciements. Dites merci à Dieu ce matin pour ses bienfaits, pour sa miséricorde, pour son amour. Seigneur, nous te bénissons. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Aujourd'hui, nous te célébrons. Nous voulons dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Seigneur, alléluia. Père, ce matin, nous voulons te dire merci pour le don de ton Fils Jésus-Christ, merci pour l'amour que tu as envers nous. Merci pour la grâce que tu nous fais tous les jours de nos vies. Nous te bénissons ce matin. Nous voulons te dire que nos cœurs sont ouverts pour recevoir ce que tu as préparé pour nous. Nos cœurs sont disposés, Seigneur. Bénis-nous par ta parole. Encourage-nous ce matin. Pour ceux qui ont le cœur brisé, Seigneur, que ta parole vienne nous soulager. Pour ceux qui sont découragés, Seigneur, que ta parole vienne nous fortifier. Seigneur, merci encore. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Ok, nous n'allons pas durer ici ce matin. Comme vous voyez, la voix n'est toujours pas revenue. Mais ça allait. Amen. Jean 3, 16. We're still talking about John 3:16. Amen. Vous êtes fatigué de Jean 3:16? Hein, comme il n'y a pas eu de réaction, donc je me demandais. Jean 3:16. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Let's go. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque... Lara, I'm waiting for you. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Next time, I'm coming to you with a microphone. Hallelujah. Amen. Ça, c'est le verset que tout chrétien doit garder à cœur parce que c'est le résumé de tout, tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, alléluia, se résume en ce verset. Parce que si Dieu ne nous avait pas aimés et s'il n'avait pas envoyé son Fils, nous ne serions pas ici, n'est-ce pas? Donc, ce verset est au centre de notre foi. C'est le centre de notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Donc, en tant que chrétien, tu dois parler de Jean 3, 16. Tu ne dois pas être fatigué. tu dois être capable de partager sur ce verset pendant longtemps. Il faut toujours trouver quelque chose à dire par rapport à Jean 3,16. Amen. J'ai appris ça quand l'évêque a dit, si tu es pasteur et tu ne peux pas prêcher sur Jean 3,16 pendant six semaines, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, oh, le même verset. Mais j'ai découvert que c'est vrai, que Jean 3,16 est le centre, et le centre de tous les messages que vous pouvez avoir en tant que chrétien. Alléluia. Donc, voilà pourquoi nous sommes toujours sur Jean 3,16. Alléluia. Quelqu'un m'a envoyé un message, elle a dit, pour elle, Jean 3,16, c'est plutôt le Saint-Valentin. Et quand j'ai réfléchi, j'ai dit, oui, c'est vrai. Parce que ça, c'est le meilleur don d'amour qu'on peut offrir à quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, numéro un, les chrétiens doivent fêter le jour de Noël tous les jours. Et Noël doit représenter le Saint-Valentin. Pourquoi? Parce que c'est le jour d'amour. OK? Donc, si je vous souhaite aujourd'hui joyeux Saint-Valentin, you shouldn't be shocked. Because it's a day of love. Amen. Donc, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas? Aimer le monde. Je veux juste partager avec vous ce matin trois choses que Noël signifie pour moi. Et puis on va partir, on va rentrer. Alléluia. Signifie pour moi. La première chose, ça signifie l'amour. L'amour de l'Éternel. Alléluia. Amen. Si vous ouvrez vos Bibles à Jérémie, amen. Jérémie 3, je crois. I think it's Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu nous aime. Il dit, d'un amour éternel. Ce que Noël représente pour moi, c'est l'amour de Dieu. Dieu m'a aimé d'un amour éternel. Un amour éternel, c'est un amour éternel qui n'a pas de commencement ni de fin. Amen. Un amour sans condition, inconditionnel. Un amour qui va durer. Un amour qui va durer. On a déjà entendu parler des mères qui abandonnent leurs enfants. Et normalement, l'amour d'une mère ne doit pas prendre fin. Si on veut comparer l'amour de Dieu à ses enfants, la personne la plus proche, la personne qui normalement peut un peu comparer, on peut utiliser pour comparer, c'est l'amour d'une mère. Parce que les pères, souvent, ils se disent, ils ne sont pas sûrs que ça, c'est leur enfant. Mais la maman sait que ça, c'est son enfant. Donc, l'amour de l'enfant, l'amour d'une mère à son enfant ne doit pas changer. Mais il y a des mères qui abandonnent leurs enfants. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Oui. Chaque fois, tous les jours, on entend parler des bébés qui sont abandonnés dans les poubelles, dans les toilettes, parce que les mamans ne voulaient pas. Peut-être parce que l'enfant représente quelque chose de terrible, un viol ou bien un accident. Il n'y a pas d'accident. OK? Il n'y a pas d'accident. OK. C'est pas possible qu'un enfant puisse naître par accident. Alléluia. Mais l'amour que Dieu a pour nous, la Bible dit que c'est un amour éternel. Et pour moi, ça veut dire que je ne peux rien faire pour annuler cet amour. Je ne peux rien faire pour ajouter à cet amour. C'est un amour éternel. Alléluia. Ce n'est pas un amour qui grandit. C'est un amour éternel. C'est le même. Alléluia. Et quand je pense à Noël, je pense à l'amour que Dieu a pour moi. Même si je passe par des moments difficiles, même si les choses sont dures, même si je ne me sens pas aimée par ceux qui m'entourent, je sais que Dieu m'aime. Alléluia. Je sais qu'il y a un amour qui ne peut pas changer. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour qui existe. Aujourd'hui, peut-être tu es dans une relation, il y a un petit bonhomme qui te dit qu'il t'aime et tu te sens aimé. Il a dit qu'il va t'épouser, donc tu te sens aimé. Il t'a promis la lune et les étoiles. Tu te sens aimé. Il a promis de passer sa vie entière avec toi. Et tu te sens aimé. Alléluia. Cet amour, amour qui te donne la chair de poule. Quand tu penses à lui, tu as la chair de poule. Quand tu penses à lui, tu as les, en anglais on dit butterflies, des papillons dans le ventre. Quand tu penses à lui, tu dois sourire. Et puis les gens vont demander, mais tu souris pourquoi? Oh, rien. Tu te souviens des petits mots qu'il t'a lancés la veille au téléphone. Et puis tu souris. Cet amour si fort ne peut pas se comparer à l'amour éternel, l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Même si tu n'as pas ce petit ami qui te donne des mots doucereux, qui ne te parle de tout et de rien, vous n'avez personne. Vous avez tout. Nous tous, nous avons une lettre d'amour quelque part que nous pouvons ouvrir et lire. Et cette lettre d'amour, c'est la Bible. Amen. C'est rempli des mots doucereux que tu n'as jamais entendus. Amen. Si j'étais un homme et je voulais draguer une fille, c'est là où j'allais tirer. C'est de là où j'allais tirer les phrases. Les phrases éternelles. Alléluia. Un amour éternel. Si un homme venait dire, je t'aime d'un amour éternel. Rien ne peut nous séparer. Elle a des frissons. Alléluia. Amen. Mais la différence, c'est que Dieu est sincère. Amen. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas sincères, mais nous tous, nous savons qu'il y a certains, one or two, qui sont comme ça. Alléluia. Mais Dieu ne change pas. Amen. Son amour ne dépend pas de ce que tu as fait. Amen. L'amour d'un homme peut dépendre de ce que tu as fait. Si tu as bien préparé, il va t'aimer. Si tu t'es habillée, tu es belle, il va t'aimer. Mais le jour où tu te lèves, tu as les bigoudis, tu as un petit écharpe sur la tête, tu es en train de préparer, tu transpires beaucoup, tu as la pagne autour, est-ce qu'il va toujours t'aimer? Peut-être, peut-être pas. Mais Dieu dit, je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Les garçons, l'amour d'une femme ne peut être comparé à l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu est encore plus doux. Amen. It is sweet, papa. Alléluia. It is sweet. Ça, c'est l'amour de Dieu. Le problème que nous avons, c'est parce que ce n'est pas tangible. Donc, on pense que c'est imaginaire. Mais c'est plus réel que l'amour que tu penses sentir pour cette personne qui est à côté de toi. Parce que cet amour que nous ressentons les uns pour les autres, c'est un amour qui va changer et qui peut changer à tout moment. Amen. Est-ce que vous n'avez pas vu des gens qui sont amoureux, inséparables? Et le jour où ça change, c'est comme si l'amour n'a jamais existé. Comme si l'amour, c'est comme si cette personne était née même de Satan. Quand il te voit, il voit Satan. Une personne que tu as aimée. Une personne que tu as pour laquelle tu as déclaré ton cœur, un amour sans fin. D'un jour à l'autre, fini. Même la personne que tu aimes aujourd'hui, il y a des jours où tu regardes la personne et dis, mais toi là, je ne te sens pas. Même maintenant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Mais l'amour de Dieu, Dieu quand il nous regarde, il ne voit pas nos bêtises. Il ne voit pas nos erreurs. Il ne voit pas nos fautes. Il ne voit pas nos péchés. Alléluia. Tout ce qu'il voit, c'est un objet d'amour. Et il nous voit au travers du sang de son fils Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi il a envoyé son fils. Quand je pense à Noël, je pense à l'amour de Dieu. Et je me sens aimé. Amen. Je ne peux pas passer Noël dans la tristesse. Même si je suis fauché. Je ne peux pas. Parce que quand je vois, même juste autour de moi, la joie. Je vois les enfants sont contents. Même si c'est un seul bonbon qu'ils vont recevoir. Même si ce n'est rien. Juste le fait que c'est Noël. Il y a une certaine joie qui est dégagée dans l'atmosphère. Ça, c'est l'amour de Dieu. Amen. Mon frère, aujourd'hui, peut-être tu n'as rien à manger à midi, mais Dieu t'aime. Amen. Amen. L'amour de Dieu ne peut pas être comparé à un morceau de poulet. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas de poulet que Dieu ne t'aime pas. Amen. Ce n'est pas parce que tu vas manger le gari le jour de Noël que Dieu ne t'aime pas. Amen. Je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour. Il n'y en a pas. Cherche. Compare. Tu ne vas pas trouver. Amen. Amen. Oh, are you happy? Yeah. Are you happy about that? Yeah. Let's look at the verse. Jean 15, verset 13. Let's look at it. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Le fait de donner et donner sa vie montre que Dieu nous a tant aimé. Alléluia. Ça, c'est le preuve d'amour qu'il a fait, qu'il nous a donné. Quand je pense à Noël, je pense à l'amour de Dieu. Amen. Amen. Faut pas oublier que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien ne peut vous séparer. Pense à la chose la plus pire que tu as fait. Pense à la chose que tu veux cacher plus que toute autre chose. Tu ne veux pas que les autres sachent. Parce que toi-même, si tu savais ça par rapport à quelqu'un d'autre, peut-être l'amour que tu as pour la personne va changer. Donc tu ne veux pas que quelqu'un sache. La bonne nouvelle, c'est que la personne qui importe, la personne qui compte, il sait déjà et il aime toujours. Alléluia. Amen. La personne qui compte, ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme, ton épouse, ce n'est pas ton bien-aimé, ton bilot, ce n'est pas ton pasteur, c'est l'éternel Dieu. Et il sait. Est-ce que tu sais ça? Ce que tu essaies de cacher là. Tu sais que Dieu sait déjà. Oui ou non? Et tu sais qu'il t'aime toujours. Wow. I said wow. Ça, c'est le genre d'amour que Dieu a pour nous. Un amour qui ne peut pas changer. Amen. Amen. Est-ce que tu as tué quelqu'un? Est-ce que tu as commis des avortements? Peut-être 3 ou 4. 5 ou 6. Dieu t'aime toujours. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as déjà volé? Dieu t'aime toujours. Amen. J'ai dit que Dieu t'aime toujours. Tu as menti et quelqu'un d'autre a eu un problème à cause du mensonge. Dieu t'aime toujours. Dieu t'aime toujours. Alléluia. Tu as volé. Tu as pris l'argent de quelqu'un. Tu as pris le laptop de Rodrigue. Tu as pris le sac d'Olivier. Dieu t'aime toujours. Même si Rodrigue ne t'aime pas, Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Dieu nous aime d'un amour éternel. Alléluia. La deuxième chose auquel je pense, ou à laquelle je pense, quand je pense à Noël, c'est à mon salut. Amen. À mon salut. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu crois en Jésus et tu crois qu'il est le Fils de Dieu, alléluia, tu l'acceptes dans ton cœur, la Bible dit que tu seras sauvé. Amen. Romains 10, 9 et 10. Si tu crois en Jésus-Christ, amen, tu crois au verset qu'on vient de lire, Jean 3, 16, que Dieu a vraiment envoyé son Fils, parce que ce n'est pas tout le monde qui croit. Ce n'est pas tout le monde qui croit, number one, que Dieu a envoyé son Fils. D'abord que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a envoyé son Fils et que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Ce n'est pas tout le monde qui croit. Mais si toi, tu crois, la Bible dit que tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, confesser de sa bouche, c'est quoi? Confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Confesser qu'il a existé. Amen. Que Jésus-Christ est Seigneur. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité. On peut croire avec la bouche. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Mais la vérité, c'est que nous ne croyons pas. Combien de fois nous avons dit, oh oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oh, je suis d'accord, je suis d'accord. Dès que la personne te dit, oh, laisse, il se croit pour qui? Parce qu'on peut dire quelque chose avec la bouche et ce n'est pas la même chose qui est dans notre cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, tu confesses de ta bouche, mais tu dois croire dans ton cœur. Amen. Beaucoup de personnes confessent de leur bouche. Parce que c'est, si tu ne confesses pas, c'est bizarre. Est-ce que si on demande aujourd'hui, est-ce que tu crois en Jésus? Tout le monde va dire oui. Parce que si tu dis non, tout le monde va te regarder d'une manière bizarre. Donc, qu'est-ce que tu fais ici si tu ne crois pas? Mais tout le monde va confesser, oui, je crois. Mais dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts. Si tu crois dans ton cœur que l'histoire de Jésus-Christ n'est pas juste un conte de fées, que c'est quelque chose de réel, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Je vais ajouter à cela, si tu crois dans ton cœur, il faut qu'il y ait des manifestations de cette foi. Amen. Si tu crois dans ton cœur, ça doit se manifester. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce que tu as dans ton cœur, forcément, va sortir d'une manière ou d'une autre. Amen. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, où en est la preuve? Qu'est-ce que nous pouvons voir de votre vie qui montre que tu crois? Alléluia. Tu as reçu le salut parce que tu as confessé et tu dis que tu crois. Le salut est là. Mais il faut qu'on voit certains signes. Amen. Quand tu penses à ton salut, quand tu penses à... quelle différence est-ce que ce salut a apporté dans ta vie? Quelle est la différence que le fait d'être sauvé a apporté dans ta vie? Est-ce qu'il y a plus de joie? Est-ce qu'il y a plus de paix, d'espérance? Un sens à la vie? Qu'est-ce que ce salut a apporté dans ta vie? Le fait de croire. Alléluia. Amen. La Bible dit que nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Si tu dis que tu crois en Jésus-Christ, il faut qu'il y ait un certain espoir. Un certain espoir. Même si les choses autour tournent mal, tu ne vois pas où tu vas t'en sortir. Il doit y avoir un petit espoir. Ça me rappelle, je sais que vous connaissez l'histoire de l'expérience qu'on a fait avec deux rats de même taille, même species, espèce. Ils ont placé un rat dans un seau d'eau. OK? Et puis, ils ont fermé tous les vitres. L'endroit était noir, sombre. Il n'y avait même pas de petit trait de lumière. Après, je ne sais pas combien d'heures, le rat s'est noyé. Il est mort. Le même type de rat, même espèce, même poids, même genre, ils ont placé dans un seau d'eau, même quantité, même pièce. Mais cette fois-ci, ils ont laissé un petit trou de lumière entrer dans la pièce. Et après, I don't know how many days, quelques jours, le rat était toujours en vie. Il nageait, il était fatigué, mais il nageait toujours. Pourquoi? Parce qu'il a vu la lumière. Et il y avait un certain espoir qu'il avait, qu'il allait sortir. Donc, à cause de cet espoir, il s'est battu pour vivre, pour rester en vie. Le premier rat, il n'avait pas d'espoir, il ne savait pas où il allait, il n'y avait pas d'espoir. Donc, il a vite abandonné, il a vite cédé et il s'est noyé. Mais l'autre rat, à cause de la petite lumière qu'il a vue, il s'est battu. Est-ce que tu te bats pour survivre? Est-ce que tu te bats pour surmonter? Ou tu es vite, tu es prête tout de suite à tout abandonner parce que les choses sont dures? Le salut que Jésus-Christ a apporté, quelle est la différence que ça a fait dans ta vie? Quand je pense à Noël, je pense à mon salut. Comment je dois garder? La Bible dit que tu dois mettre en œuvre ton salut avec crainte et tremblement. Mettre en œuvre ton... Tu dois te battre pour garder ton salut. Ton salut a coûté la vie de quelqu'un. Tu ne peux pas négliger ça. Do you understand what I'm saying? Ça doit te dire quelque chose. Si quelqu'un est prêt, on a vu ça, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Si quelqu'un te trouve si important, Bernice, si cher, si valeureux, qu'il est prêt à donner sa vie pour toi, comment ça se fait que toi, tu n'es pas prêt à te battre pour rester en vie et rester dans la joie, dans la paix, garder l'espoir? Pourquoi tu es si prêt à tout abandonner? Moi, quand je pense à Noël, je pense à mon salut. Je pense au sacrifice. Je pense à ce que Jésus-Christ a fait. Et je le dois. Je le lui dois. Je lui dois ma vie. Donc je le dois. Je le dois de me battre, n'est-ce pas? Pour mener une vie de qualité. Pas seulement exister, il y a beaucoup d'entre nous, nous existions. Nous existons. Nous ne vivons pas, il y a une différence. Exister, c'est... Tu te lèves le matin, tu vas, tu brosses tes dents, tu passes par l'émotion, les gestes. Comme un robot, tu fais parce que il faut faire. Ça fait 4 jours que tu t'es pas lavé, donc il faut que tu te laves. Donc tu vas te laver parce qu'il le faut. Ça c'est pas une vie, ça c'est une existence. Tu manges seulement parce que il faut manger. Il y a quelqu'un qui peut manger le gari, hein. Tu auras envie de manger le gari. La manière dont il va préparer. Mettre ça sur un plateau, une assiette, des couverts. Il va, la manière dont il va présenter le gari, tu vas manger. Amen. Yeah, ça c'est vivre. Amen. Tu n'es pas, c'est pas obligé que tu dois avoir quelque chose de grandiose. La qualité de vie que tu as dépend de toi. Amen. La qualité de vie que tu vas mener dépend de toi. Même si tu as une seule chemise, tu laves ça bien, tu repasses, même si tu n'as pas un fer, tu vas chez quelqu'un, tu dis, est-ce que je peux repasser? Tu repasses et tu t'habilles, tu laves le visage, tu mets le pommade. Bien même. Il y a une certaine qualité de vie que tu peux mener même si tu n'as rien. Amen. Est-ce que tu n'as pas vu des gens, ils n'ont rien, mais ils sont contents. Ils sont heureux. Ça, c'est toi. Amen. Il ne faut pas exister. Il faut vivre. Quelqu'un a donné sa vie pour que tu vives. Amen. Il faut apprécier le sacrifice qu'il a fait. Quand on était au Burkina, I think it was Waiguya. No, was it Waiguya? You were in Waiguya. Bobo. Waiguya. Après un moment, parce qu'ils étaient un peu bizarres, les pasteurs. Après un moment, après quelques discussions, ils ont dit à notre directeur de campagne, ils ont dit, mais c'est vous qui êtes venu, on ne vous a pas appelé? Can you imagine? Mais c'est vous qui êtes venu. On ne vous a pas appelé. Imagine comment ça, ce que ça nous fait. Tu as quitté ton pays, tu as fait 2 jours de route. Tu n'as pas pensé aux accidents, aux attaques des voleurs, tu as pensé aux armes qui se trouvent à Waiguya. Arrivé là-bas, les gens que vous voulez aider, parce que quand après la campagne, nous, on va partir. Les âmes seront dans vos églises. Ce n'est pas pour nous. Et puis vous dites que c'est vous qui êtes venu. On ne vous a pas appelé. Donc, ça veut dire que c'est vous qui êtes bêtes, n'est-ce pas? Vous qui ne sont pas intelligents, n'est-ce pas? Et nous sommes prêts à dire, oh, mais ils sont bizarres, comment est-ce qu'ils peuvent parler comme ça? Mais par nos vies, la manière dont nous menons cette vie que Dieu nous a donnée, c'est comme si on disait à Jésus, mais c'est toi qui as décidé de te donner en sacrifice? C'est pas moi qui t'a demandé de... Est-ce que c'est moi qui t'a demandé de te sacrifier? C'est toi qui as voulu te sacrifier? Oui. Yeah. Par la manière dont nous vivons. Il dit que ta vie me coûte cher, mais très cher. Ton salut est très important pour moi. Donc, je suis prêt à payer le prix. Donc, il se donne en sacrifice. Et puis, tu dis, ah, mais c'est pas moi qui t'a demandé de... Oui! Tu le dois à Jésus-Christ de mener une vie de qualité. Parce que ça lui a coûté cher. Amen. Comme les gens de Waiguya devaient nous recevoir comme des héros. Parce que nous sommes venus les aider. et aussi sauver les âmes. Combien d'églises à Waïgouya peuvent faire une croisade où il y a des musulmans, il y a des... peuvent venir en un seul endroit pour écouter l'évangile. Yeah. Mais nous frustrons Jésus-Christ de la même manière. Oh, donc mon sacrifice était en vain. Donc ce que j'ai fait là, ça ne servait à rien. Moi, quand je pense à Noël, je pense au sacrifice. Amen. Pour moi, Noël, partout, se mélange. Parce qu'un ne peut pas exister sans l'autre. Alléluia. Et ça me rappelle mon salut. Le prix, le coût, la valeur de mon salut. Ça a dépendu, ça a coûté la vie de quelqu'un. Et pas n'importe qui. Alléluia. Il ne faut pas exister, il faut vivre. Amen. J'ai dit qu'il ne faut pas exister, il faut vivre. Il ne faut pas seulement vivre pour le dimanche. C'est seulement dimanche que tu te fais belle pour venir à l'église. Et le reste du temps, tu es déprimé, malheureux, triste, caché, tu veux être seul. Ça, ce n'est pas une vie de qualité. Ce n'est pas une vie. Amen. Alléluia. Pour ceux d'entre nous qui sont mélancoliques, il faut se battre pour garder la joie. Les Français ont une belle expression, la joie de vivre. Joie de vivre. Ce n'est pas juste une expression, mais ça doit être la vie d'un chrétien. Il faut avoir la joie de vivre. Quand tu te réveilles le matin, praise the Lord. Quand tu te réveilles le matin, c'est déjà une bénédiction. Hallelujah. C'est déjà une bénédiction. Tu t'es réveillé, tu es en vie, tu es toujours sauvé. Tu n'as pas perdu le salut la nuit dans ton rêve. Tu es toujours sauvé. Praise the Lord. Décide de vivre, de ne pas exister. Amen. Les gens que vous voyez, ils sont heureux. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup plus que toi. C'est juste une décision. Amen. Et certains d'entre vous, quand vous voyez quelqu'un qui est toujours dans la joie, vous demandez, mais il n'est pas normal. Il n'est pas normal, mais ça c'est quoi? C'est quel genre de personne toujours en train de rire? Tu n'as pas de problème dans la vie, hein? Tu n'as pas de problème dans la vie, hein? Le chrétien doit avoir la joie de vivre. La joie de vivre. Amen. Vous devez être dans la joie quand tu te réveilles. Alléluia. Parce que Dieu a fait de grandes choses pour toi. Amen. Alléluia. I've almost finished my message. Troisième chose à laquelle je pense quand je pense à Noël, c'est le fait que Jésus-Christ m'a pardonné beaucoup. Il m'a beaucoup pardonné. Il m'a beaucoup pardonné. Parce que ce n'est pas pour n'importe qui que tu fais quelque chose de si signifiant et de si important. Amen. Souvent, quand l'anniversaire de ma fille s'approche ou Noël s'approche, je dis toujours à ma fille, quand elle fait des bêtises, je dis, OK, il n'y a pas de problème, Noël arrive. Il n'y a pas de problème. Ton anniversaire, c'est pour quand? C'est pour bientôt, n'est-ce pas? OK. Ou bien fin de trimestre, quand les résultats vont venir, j'ai dit, tes résultats. Il y a toujours une condition attachée, cachée derrière ce qu'elle va recevoir. Si tu travailles bien, peut-être tu auras ce que tu demandes. Si tu es sage, peut-être je vais te donner, même à cet âge. Alléluia. Et si tu n'as pas bien travaillé, il ne faut pas demander quoi que ce soit. Si tu te comportes mal, il ne faut pas attendre à ce que je te donne quelque chose d'intéressant. Il y a toujours une condition. J'aime ma fille. Je les aime, les deux. Très beaucoup. Très beaucoup. Yeah. Mais, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours une condition. Si tu ne fais pas, tu... Mais Jésus-Christ nous a aimés sans condition. Il nous a pardonné beaucoup. Amen. S'il devait me dire, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Quand est-ce la dernière fois que tu as évangélisé? Est-ce que tu as prié? Et ton quiet time, tu le fais bien. Et avant de montrer son amour envers moi, je serai très malheureuse dans la vie. Amen. Mais il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Oh. Même si tu aimes quelqu'un et la personne te fait mal et tu dis que tu as pardonné, tu ne vas pas oublier facilement. Tu vas te méfier la deuxième fois. Et tu vas garder ça. Quand il te déçoit encore, tu vas ajouter la première déception à la seconde. Puis ça va s'entasser petit à petit. Ils disent que les flegmatiques sont comme ça. Ils ne disent rien jusqu'à un jour. Ça va déborder. Yeah. Ça, c'est le flegmatique. Dieu, imaginez si Dieu devait garder tout ce que nous avons fait comme bêtise. Même le monde ne pouvait pas contenir toutes nos bêtises. Depuis la croix. Hein? Dieu nous a pardonné. Il nous a pardonné beaucoup. Et c'est la seule chose que Dieu dit que si tu ne fais pas, il ne fera pas non plus. Si tu ne pardonnes pas, moi aussi, je ne te pardonnerai pas. Donc pour moi, c'est une chose très importante dans la vie d'un chrétien. Et le jour de Noël, ça me rappelle encore combien il m'a pardonné. Amen. Quand vous faites la prière à notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est pardonne-nous nos offenses. Comme. Comme c'est quoi? Adverbe de. C'est Jessie qui connaît toutes ces choses. Adverbe de. De manière. De quoi? Comme. Comparable. Semblable. Pardonne-nous nos offenses comme. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le jour de Noël doit te rappeler que beaucoup, tu as été pardonné beaucoup, de beaucoup, toi. Donc toi aussi, tu dois pardonner beaucoup. Amen. Tu ne dois pas entrer dans la nouvelle année avec des rancunes. Il faut pardonner ton mari. Yeah! Il faut le pardonner. Il faut pardonner ton bilo. Amen. Alléluia. Pardonne-nous nos offenses. Qui t'a offensé? Tu ne sais plus. Parfois. Qui t'a offensé? Lui, il faut le pardonner. Parce qu'il aura te pardonner aussi. Amen. Qui t'a pardonné? Qui t'a offensé? Personne. Wow. Hey. Qui t'a offensé? Pardonne-le. Parce que tu as été pardonné de beaucoup. Amen. Et si tu ne pardonnes pas, sache que ton Père aussi, il ne va pas te pardonner. Il va toujours t'aimer, mais il ne va pas te pardonner. Pourquoi? Parce que toi, tu as choisi de ne pas pardonner à quelqu'un. Wow! Donc quand je pense à Noël, je pense au pardon. Je pense à combien de fois je l'ai offensé, j'ai offensé Dieu par mes gestes, parce que je n'ai pas fait. par ce que j'ai dit, par la manière dont je me suis comportée envers les autres. Lui voir, il m'a pardonné tout ça. Je dois aussi pardonner. Même si je n'ai pas envie. Très souvent, on n'a pas envie. Mais il faut le faire. Jésus-Christ n'avait pas envie d'aller mourir sur la croix. N'a pas du tout, il n'a pas eu envie, même s'il était Dieu. La Bible nous dit qu'il a prié jusqu'à ce que le sang coule de ses yeux. Au lieu des larmes, c'était le sang. Ça veut dire qu'il avait tellement pleuré qu'il n'y avait plus d'eau. Hey! Il n'a pas voulu, mais il l'a fait. Toi aussi, tu ne veux pas pardonner, mais il faut le faire. Amen. Qui t'a offensé? Ton père, ta mère, ton oncle, celui qui t'a envoyé, il t'a promis un western tous les 3 mois. Ça fait 3 ans. Pardonne-le. Pardonne-le. Amen. Quelqu'un qui t'a demandé en mariage, aujourd'hui il est marié à quelqu'un d'autre. Pardonne-le. Amen. Eux sont comme ça. Faut le pardonner. Amen. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, ce sont les hommes qui vont t'offenser. L'être humain. Pas les hommes masculins. Les hommes, femmes et hommes. Ce n'est pas les anges qui vont t'offenser. Ce n'est pas Dieu qui va t'offenser. Ce sont des hommes. Amen. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, hein, votre Père, majuscule, ne vous pardonnera pas non plus. Ish. Pardonnez. Pardonnez. Pardonner veut dire que si tu fais cette prière, hein, pardonne-moi comme je pardonne Arabaloussi. Pardonne-moi mes offenses comme je pardonne à mon oncle. Tu es en train de dire à Dieu, pardonne-moi comme je pardonne à mon oncle. Donc si je ne pardonne pas à mon oncle, fais-moi la même chose. Donc le jour où tu peux faire cette prière, tu peux mettre le nom de la personne qui t'a offensé dedans, sans problème, tranquille. Sachez que vous êtes sur la voie. Amen. Qui t'a offensé? Qui t'a blessé au point où tu ne veux pas continuer? Qui t'a offensé? Qui t'a fait du mal? Qui t'a fait du mal à ce point? Alléluia. Are you listening to me? Pardonne-le. Pardonne-le. Réfléchis un peu. Regarde ce qu'il a fait. Est-ce que c'était aussi terrible? Qu'est-ce qu'il a fait de si terrible que tu ne peux pas le pardonner? Et vous savez une chose, lorsque vous pardonnez, c'est pour vous. Ce n'est pas pour l'autre. Lorsque vous pardonnez à quelqu'un, c'est pour vous. Ce n'est pas pour la personne. Très souvent, la personne qui vous a offensé n'est pas avec vous. Il est loin. Donc, si vous le pardonnez, c'est pour vous libérer de quelque chose. C'est vous qui vous allez vous sentir libre. Vous allez vous sentir léger après. Lui, il est dans son coin. Il y a beaucoup de personnes, nous gardons des rancunes envers cette personne, mais ils sont en train de vivre leur vie tranquille. Ils ne pensent même pas à vous. Ils prospèrent même. Ils ne pensent pas à vous. Vous pensez que le fait de garder rancune, le faire souffrir, tu mens. C'est toi qui as du mal à avancer dans la vie. C'est toi qui as du mal à être prospère, à être en paix. À chaque fois que tu penses à lui, et lui, il est tranquille. Il est en train de manger son poulet. Pas de problème. Pardonne-le. Fleur, quelqu'un t'a offensé? Jamais. Amen. Are you there? Pardonnez. Dis à ton voisin, frère, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné depuis. Amen. Alléluia. Quand tu regardes la personne, tu veux traverser la route. Tu veux passer de l'autre côté. Pourquoi? Feel free. Feel free. Vous êtes trop jeune pour garder des rancunes. Vous êtes trop jeune. Trop jeune. Si vous commencez comme ça, à l'âge de 22 ans, tu as déjà deux personnes que tu n'as pas pardonnées. À l'âge de 43, vous aurez 6. Vous aurez une crise cardiaque après. À l'âge de 52, la tension va monter. Tu vas tomber malade. Beaucoup de maladies sont liées à ce genre de choses. Ce manque de pardon, garder rancune, l'amertume. Tu as les ulcères et tu ne sais pas pourquoi. Certaines maladies pour lesquelles il n'y a pas de cause, on ne trouve pas. C'est souvent à cause de ces choses. Des choses spirituelles comme ça. Pas un sort que quelqu'un t'a jeté. Tu n'as pas pardonné. C'est tout. Tu n'as pas pardonné simplement. L'arthrose, tu es comme ça. Dans ta vieillesse, tu seras comme ça. Parce que tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné. Amen. La joie de vivre. Apprenez à sourire. Apprenez. Je vous ai montré comment. Vous regardez dans le miroir. Il y a certaines personnes, quand vous souriez, c'est mieux de ne pas montrer les dents. Donc tu regardes et puis tu... Si tu fais partie de ceux qui ne doivent pas montrer les dents, tu pratiques. Il y a certaines personnes, quand tu souris, c'est beau. Mais d'autres, il faut montrer les dents pour qu'on voit qu'il y a un sourire. Dieu dit, practice it. Quand tu souris, tu ne sais pas à quel point tu rajeunis. Amen. Practice it. Souriez. Joie de vivre. Apprenez à vivre. Quand vous voyez quelqu'un qui est toujours dans la joie, il dit, mais comment tu fais? Comment tu fais? Amen. Comment tu fais? Tu dis, je ne sais pas. J'ai juste décidé, amen, de ne pas être... Quand je vois le mauvais humeur tomber là, je me bats. Amen. Alléluia. Quand vous pensez à Noël, à quoi est-ce que vous pensez? Le poulet? Le cadeau? Pensez un peu à ton salut. Pensez un peu au pardon. Pensez un peu à l'amour de Dieu. Et quatrième chose, pensez aux autres. Pensez aux autres. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas seulement aimé son Fils unique. Il a aimé les autres. Il a donné. Aujourd'hui, vous dites que vous n'avez rien, mais vous avez sûrement quelque chose. Même si c'est un film, vous invitez quelqu'un, on va manger, on va juste voir un film. Il n'y a rien à manger. On va rester ensemble, on va voir un film. Amen. C'est un jour où tu ne dois pas être malheureux. Si tu es malheureux aujourd'hui, tu es ingrat. I am telling you. Que tu es ingrat. You are ungrateful. On Christmas Day, you are sad. You are depressed. You are unhappy. I am telling you, you are ungrateful. Tu es égoïste. Et tu es méchant. Merci. Tu es souci. Amen. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Pense aux autres. C'est en faisant du bien aux autres que tu vas trouver la joie. Amen. Aujourd'hui, on nous a demandé de donner, faire un don à l'orphelinat. Je suis sûre que beaucoup n'ont pas fait. Beaucoup ont oublié. Mais la Bible dit que c'est en donnant que vous allez recevoir. Amen. Les pays pauvres, ils ne donnent pas. Ils ne donnent pas. Ils veulent toujours recevoir un don des États-Unis, un don de l'Union européenne, un don. C'est pourquoi nous sommes toujours pauvres. Le jour où on va se lever et donner aux autres, c'est là où on verra la bonté de Dieu. Amen. Il y a plus de bonheur, c'est ce que la Bible dit. Il y a plus de bonheur à donner. J'ai dit, oh, mais je n'ai rien, comment est-ce que... Donc, tu vas rester dans ton malheur? Ouvre ta porte à quelqu'un. Amen. Et ceux qui sont bénis, vous êtes trop habitués à rester seuls. Je suis béni, donc je vais me jouer moi-même. Non. Ouvre ta porte à quelqu'un. Vous êtes là. Amen. Ouvre la porte à quelqu'un, toi qui es malheureux. C'est toi, à toi que je parle. Yeah. Tu seras surpris qu'il y a quelqu'un qui est encore moins béni que toi. Amen. Yeah. Ouvre ta porte à une personne. Yeah. Faut pas attendre à ce qu'on t'ouvre la porte. Toi, ouvre la porte à quelqu'un. C'est en donnant que tu vas recevoir. Tu veux la joie, donne la joie à quelqu'un. Tu veux être heureux, rends quelqu'un heureux. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Si tu es triste aujourd'hui, là, tu es quoi? Méchant, égoïste, sorcier. J'ai pas dit ça, c'est Jeff. Tu es ingrat. Amen. Pense aux autres, ce jour de Noël, alléluia, vous serez surpris de comment ta journée sera belle, amen, de comment tu seras dans la joie aujourd'hui, si tu ouvres seulement ta porte à quelqu'un, amen, tu es dans une chambre, au moins tu as une chambre, et tu es seul dans la chambre, invite quelqu'un. Oh, les deux pensées, si j'invite les gens, ils vont savoir ce que j'ai dans ma chambre. Si j'invite quelqu'un, ils vont parler. Moi, je n'aime pas trop m'ouvrir comme ça, Lady Pastor. J'ai eu trop de problèmes. Tu as eu trop de problèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es toujours malheureux. Apprends à pardonner. Apprends à pardonner. Si Dieu devait regarder le genre de problème qu'il a eu avec nous, là. Amen. Je ne sais pas pourquoi ce verset est dans la Bible. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais il doit y avoir une vérité dedans. Amen. Ça doit être vrai. Ça doit être vrai. Et aujourd'hui, pendant ce jour de Noël, c'est le jour où tu vas décider. La personne qui t'a offensé, la personne qui t'a mal parlé, c'est à la personne que tu vas dire, tu fais quoi? On va manger ensemble? Oh! What a shock! Alléluia. C'est la personne que vous devez parler aujourd'hui pour vous rappeler du sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai voulu juste partager ce que Noël représente pour moi. Amen. Et j'espère que vous serez bénis et ça va vous aider aussi. Alléluia. À être reconnaissant pour ce jour de Noël. Levez-vous. Alléluia. Merci Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Alléluia pour ce jour de Noël. Commencez à remercier Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ce jour. Oui, le jour où tu as décidé d'envoyer ton fils. Le jour où tu as envoyé ton fils sur cette terre. Nous célébrons ça aujourd'hui. Peut-être ce n'était même pas en décembre. Mais c'est juste un jour que nous avons choisi pour te célébrer. Aujourd'hui, tu nous as rappelé ce que ça signifie vraiment. Merci pour ton pardon. Merci pour ton salut. Merci pour ton amour éternel. Oh Dieu, merci de nous avoir choisis comme enfants. Nous qui ne méritons pas cet amour. Nous qui sommes remplis de péchés, de mauvaises choses, Seigneur, tu nous as aimés. Malgré tout ça, aujourd'hui, Seigneur, nous décidons aussi d'aimer les autres, de pardonner, de donner, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as donné, c'est toi qui nous as aimés en premier. Merci, Seigneur, pour ce don merveilleux. Merci, Seigneur, pour ce geste si puissant et si important dans nos vies. Seigneur, merci, nous te bénissons et nous te remercions. Tu es un bon Dieu. Tu es un bon Dieu. Ton amour est sans fin. C'est un amour éternel qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci, Seigneur, pour cet amour qui ne change pas. Rien ne peut me séparer de ton amour. Merci pour ça, Seigneur. Merci pour ça. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Fais de moi ce que tu voudras, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras, Seigneur. Utilise ma vie pour bénir les autres. Utilise ma vie pour sauver les autres. Oh, Seigneur, je me donne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Seigneur, merci. Merci de m'avoir appelé par ton nom. Merci d'avoir fait de moi un chrétien né de nouveau. Merci de m'avoir fait comprendre, Seigneur, ce que c'est être sauvé. Seigneur, je te bénis. Je ne mérite pas cet amour. Je ne mérite pas ce que tu as fait pour moi. Mais Seigneur, aujourd'hui, je veux déclarer mon amour pour toi. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime plus que tout. Oh, tu es le Dieu d'amour. Je te bénis, Seigneur, et je te remercie. Je te bénis, je te remercie. Je te bénis, je te remercie. Oh, ouvrez votre bouche ce matin. Vous avez encore quelques minutes à dire merci à Dieu pour ce sacrifice. Merci à Dieu pour ton enfant, pour ton fils que tu as envoyé. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris ton amour pour moi. J'ai compris ton amour pour moi. Seigneur, je te bénis. Oh oui, tu as fait de grandes choses. Tu as fait de grandes choses pour moi. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Tu as fait de grandes choses pour moi. Oh oui, Seigneur, je te bénis. Merci, Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Thank you, Jesus. D'un cœur reconnaissant, merci. Yes. Oh Seigneur, toi. Merci, Seigneur, je suis reconnaissant ce matin. Merci. Thank you, Jesus. Car tu as donné Jésus. Merci, merci, merci, merci. From the beginning, merci. Merci. Yes. C'est seulement dimanche que tu te fais belle pour venir à l'église. Et le reste du temps, tu es déprimé, malheureux, triste, caché, tu veux être seul. Ça, ce n'est pas une vie de qualité. Ce n'est pas une vie. Amen. Alléluia. Pour ceux d'entre nous qui sont mélancoliques, il faut se battre pour garder la joie. Les Français ont une belle expression, la joie de vivre. Joie de vivre. Ce n'est pas juste une expression, mais ça doit être la vie d'un chrétien. Il faut avoir la joie de vivre. Quand tu te réveilles le matin, praise the Lord. Quand tu te réveilles le matin, c'est déjà une bénédiction. Hallelujah. C'est déjà une bénédiction. Tu t'es réveillé, tu es en vie, tu es toujours sauvé. Tu n'as pas perdu le salut la nuit dans ton rêve. Tu es toujours sauvé. Praise the Lord. Décide de vivre, de ne pas exister. Amen. Les gens que vous voyez, ils sont heureux. Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup plus que toi. C'est juste une décision. Amen. Et certains d'entre vous, quand vous voyez quelqu'un qui est toujours dans la joie, vous demandez, mais ce n'est pas normal.